Le riflard mystérieux par Aurélien Scholl. Pour ne pas croire aux histoires merveilleuses, on n'en éprouve pas moins un certain attrait à en écouter parfois le récit. Il est des esprits sérieux qui prennent plaisir à jouer une féerie. Un ingénieur civil que quelques amis attendaient à dîner dans un cabinet d'un restaurant de la rue Royale, arriva un soir très en retard. Sa figure exprimait une satisfaction qui ne lui était pas ordinaire. « Je vous prie de m'excuser, » dit-il en entrant. « Vous avez bien fait de vous mettre à table et je vais essayer de vous rattraper. Tout à l'heure, vous saurez pourquoi je vous ai fait attendre. » Au café, chacun fit une supposition qu'il croyait plus ou moins piquante. « On t'a commandé une tour de 600 mètres pour la prochaine exposition ?»« Ma foi, non. Tu es chargé des travaux du canal des deux mers. »« On ne m'a pas fait l'honneur de songer à moi. »« Tu as obtenu la concession du chemin de fer aérien de l'Arc de Triomphe à la colonne de Juillet ?»« Rien de tout cela, » répondit l'ingénieur. « Je suis heureux, je respire. J'ai le cœur desserré parce que je viens de me débarrasser d'un parapluie qui m'obsédait depuis 4 ans. « Comment cela ? » s'exclama-t-on tout d'une voix. Et encore, toi le temps d'émotions contenues, l'ingénieur nous conta son histoire. C'était le 29 février dans les années 1800. J'étais allé à Grenelle visiter une ancienne carrière que voulait acquérir un grand brasseur pour y installer ses caves. J'avais à étudier la nature du sol, la solidité des étés, les conditions d'aération de ces immenses galeries.